Cléo with Les Fauves, then Aileen with Ces bottes sont faites pour marcher, and Pussycat with Ce n'est pas une vie. Now we're going to listen to Lost Thierry with Allons skier, featuring the Vrooming Crew, and it's a recent band, and they were part of the soundtrack Emily in Paris, but it's very 60s. Then we're going to listen to Brigitte Bardot, the famous Brigitte Bardot, with Moi je joue, I'm playing. Then Clotilde with La chanson bête et méchante, the song that is stupid and mean. C'est noir. je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Oh, plus fort. Oui, oui. Quand j'avais 12 ans, j'aimais beaucoup mon frère. Le côté battant l'avait un œil de verre. Il aurait sûrement gardé sa vie entière si je ne l'avais pas vendu aux enchères. Si vous trouvez bien des bêtes méchantes, pourrez vite m'écrire. Vous êtes le gagnant, gnan, gnan. Ma sœur était une bonne cuisinière. Elle faisait des mille feuilles et des éclairs. Un jour j'y ai mis quelques morceaux de fer. C'était si marrant de les voir se rouler par terre. Si vous trouvez pire, plus bête et méchant, pourrez vite m'écrire. Vous êtes le gagnant, gnan gnan. Mon cousin était gardien d'un cimetière. Une nuit pour l'effrayer, j'ai mis un drap vert et me vit surgir soudain en pleine lumière. Et le lendemain, c'est lui qu'on mit en terre. Si vous trouvez pire, plus bête et méchant, vite m'écrire, vous êtes le gagnant, gnan gnan. Mon oncle Gontran était un milliardaire qui me donnait l'argent à ne pas savoir qu'en faire. Il m'en fallait tellement pour me satisfaire qu'il mange maintenant la soupe populaire. Si vous trouvez pire, bête et méchant, pourrez vite m'écrire. Vous êtes le gagnant. Si vous trouvez pire, plus bête et méchant, pourrez vite m'écrire. Vous êtes le gagnant. It was Lost Thierry with Allons skier, featuring the Vrooming Crew, then Brigitte Bardot with Moi je joue, and Clotilde with La chanson bête et méchante. Now we're going to listen to another song from Clotilde with Fallait pas écraser la queue du chat, You should have not stepped on the cat's tail. Then Jessica Paré with Zoubi Zoubi Zou, and Stone from the famous duo Stone and Charlene, but she was at the beginning, so it was just Stone, with C'est ma vie, It's my life. Non, non, fallait pas. Hey! comme il sortait de l'hôpital, une voiture l'accrocha, sa jambe droite lui faisait mal, c'est la gauche qu'on l'amputa. Fallait surtout pas écraser la queue du chat, non, non. C'était la morale de cette histoire. Un, deux, trois, quatre. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zou, zoubi, zou. Mon Dieu, qu'ils sont doux. Zoubi-zou, zoubi-zou-bisou, zoubi-zou-bisou, zoubi-zou, zoubi-zou, le bruit des bisous. Dans les buissons, sous le ciel du mois, pas doux, les amoureux glissent, pas de loup, comme les oiseaux. Mon Dieu que c'est doux, ouh, ouh. Mais dites-moi, savez-vous ce que veut dire entre nous? Ce que veut dire zoubizou? Ça veut dire je vous l'avoue. Mais oui, je n'aime que vous. Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou. Mon Dieu que c'est doux. N'aie pas besoin des buissons du mois à doux, quand tu m'embrasses doucement dans le cou. Car c'est curieux, tu vois, je l'avoue, ça me fait partout. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou. Zoubi zou. Mon Dieu que c'est doux. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou. Zoubi zou. Des petits bisous. Zoubi zoubi zou. Je veux être telle que It was Clotilde with Fallait pas écraser la queue du chat. Then Jessica Paré with Zou bisou bisou. And Stone with C'est ma vie. Now we're going to listen to two songs from Stella. The first song, La surprise est partie. The surprise is gone. And it's a play on words with Surprise Party, which is a party for the youngsters. Then the second song is Cauchemar Autoprotestateur. And it's a song where she's talking about a nightmare because she's protesting about everything and anything and she doesn't remember why. And it's the 60s, so there was a lot of protest. That was just actually the beginning. And then Cléo with Et moi, et toi, et soi. La fête est finie, la surprise est partie. On a chanté, dansé et bu toute la nuit. On a cassé les verres et taché les tapis. Mais au petit matin, les amis sont partis. Maintenant, il faut ranger. Et il faut balayer. Et il faut nettoyer. Ou je ne pourrai jamais plus recommencer. La fête est finie, la surprise est partie. On a chanté, dansé et bu toute la nuit. On a cassé les verres et taché les tapis. Mais au petit matin, les amis sont partis. Après s'être amusé, quand on est fatigué, on voudrait se coucher. C'est vraiment pas drôle d'être obligé de ranger. C'est fini, la surprise est partie. On a chanté, dansé et bu toute la nuit. On a cassé les verres et taché les tapis. Mais au petit matin, les amis sont partis. Enfin, c'est terminé. Je peux me reposer, car je l'ai bien gagné. La prochaine fois, je me ferai inviter. La fête est finie, la surprise est partie. On a chanté, dansé et bu toute la nuit. On a cassé les verres et taché les tapis. Mais au petit matin, les amis sont partis. Mais au petit matin, les amis sont partis. Mais au petit matin, les amis sont partis. Je proteste, je ne sais pas contre quoi. Je proteste, ne me demandez pas pourquoi. Je proteste pour le Vietnam, pour Cuba ou pour Hong Kong. Je suis la prêtresse du protest song. Je proteste quand on marche sur les pieds. Ça me fait mal, ça m'empêche de protester. Je suis pour les Viet contre les Kong. Et les Kong, c'est parce qu'il manque. Je suis la prêtresse du protest song. Je proteste contre ceux qui ne protestent pas. Tous les jours, je proteste à tour de bras. Je proteste toute l'année, sauf pendant l'air. Quand j'ai payé, je suis la prêtresse du protestant. Je proteste, même quand il n'y a pas de quoi. Je proteste, ça devient plus fort que moi. Contre le pape, contre le roi, contre les autres ou contre moi. La route est longue pour la prêtresse du protest song. Toi et moi on se tutoie, ça va de soi. Je n'ai jamais un sou de toi. Mais je portais des sous de soi. Tous les deux on est si bien chez soi. Avec un verre devant soi. cher, un petit toit pour toi et moi, un petit toit ça va de soi, ça va de soi. Toi et moi on est à tu et à toi, dans nos jolis draps de soie. Oui, de la soie pour toi et moi, ça va de soi. Mais je m'enfuirai de ton toit si un jour tu me déçois. Un garçon m'a dit, toi Hélène, sois pour moi toujours la même. Sois pure Hélène, il fait si froid. Sois toi pour moi, ça va de soi. Et moi et toi, et toi et soi. Et moi et quoi et toi. Et moi et toi, et soi et moi. Et soi et toi, et moi et quoi. Et moi et toi, et quoi et soi. Et moi et moi et quoi. It was two songs from Stella with La Surprise est partie. Then Cauchemar Autoprotestateur, and then Cléo with Et moi, et toi, et soi. Et voilà, c'est fini. À la prochaine, and stay tuned for the next show on KFAI and Mixcloud.